إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on continue dans l'explication des paroles du Cheikh Muqbil ibn Hadi al-Wadi'i rahimahullah. Et là, il continue donc son explication au sujet des Khawarij et des Takfiriyin. Il dit: فينبغي على المجتمع اليمني أن يحذر منكم وأن يحذر منكم والذي أثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: الإيمان يمان والحكمة يمانية. وأخبر عن اليمنيين بأنهم أرق أفئدة وألين قلوبا، وأنا أعجب، فهم يكفرون الدعاة إلى الله ويكفرون المسلمين ويكونون آلات للحكومات لضرب الدعوات. ورب العزة يقول في كتابه الكريم: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. ويقول: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. Donc le Cheikh, il dit, il commence en expliquant un point. Attendez juste un instant. Non. Donc il commence en mentionnant un point. Il dit: il faut que la société du Yémen, la société yéménite, prenne garde, et il faut qu'elle avertisse également contre vous, c'est-à-dire contre les takfiriyin. Et il dit, parce que c'est la société au sujet de laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: al-iman ou yaman, la foi elle est yéménite, et la sagesse est yéménite. Wa akhbara an al-yamaniyin, il a informé également au sujet des gens du Yémen qu'ils avaient les cœurs les plus doux, les plus sensibles et les plus doux. Donc, ça c'est des caractéristiques qui sont dans le peuple yéménite que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné, et il a fait des éloges de ce peuple-là de cette manière. Donc le cheikh, il dit: je m'étonne de voir que ces gens-là, ces takfiriyin, ces khawarij d'aujourd'hui, ils déclarent kuffar les du'at il Allah, et ils déclarent kuffar les musulmans, ils déclarent kuffar les musulmans, et ils deviennent des éléments, des instruments pour justifier les frappes que les gouvernements font par la suite contre la da'wah, contre la da'wah qu'on fait à Allah subhanahu wa ta'ala. Et on le voit, ça, cet exemple que le cheikh il mentionne ici, on l'a vu exactement dans plusieurs choses qui sont produites, même de la part de ceux qui sont avec eux dans leur propre manhaj de takfir, et qui les défendaient, parmi les du'at des sururiyin et les du'at des qutbiyin qui appellent au takfir et qui parlent contre les dirigeants, on a vu que ils se sont même retournés contre eux. Ils se sont même retournés contre eux et ils ont commencé eux-mêmes à faire à les déclarer kuffar eux aussi. C'est comme ils faisaient par exemple au début, quand il y avait la fitna après la guerre du Golfe, ils défendaient Salman et Safar al-Hawali en Arabie Saoudite. Ils disaient, ah, ce sont eux les vrais ulama. Les vrais ulama sont en prison. Hein? Ce sont eux qui ont été emprisonnés. Ce sont eux les vrais ulama. Les autres, c'est des hypocrites, c'est des agents des gouvernements. Qu'est-ce qui est arrivé après? Ils ont commencé à dire, même Safar et Salman sont des kuffars. Tous les ulama sont des kuffars. Et Safar et Salman aussi sont kuffars. Donc, ils ont commencé à faire le takfir, même de ceux qui les défendaient. Hein? Donc, c'est pour dire à quel point ils sont en train de s'éloigner de la voie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et ils se déclarent kuffar même entre eux les uns les autres. Après le cheikh il dit, et Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans verset 10 dans surat Shura, wa makhtalaftum fihi min shay'in fa hukmuhu ila Allah, et si vous divergez en quoi que ce soit, alors son verdict appartient à Allah subhanahu wa ta'ala, son jugement appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Et il mentionne le verset 59 dans surat An-Nisa, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il dit, et si vous divergez en quoi que ce soit, alors ramenez-le à Allah et à son messager, si vous croyez vraiment en Allah et au jour dernier. Wa min jahalatihim wa dalalatihim wa nahnu fi majlisin fil madina faqalu Abu Zayd as-Sudani kafir. فقلنا لهم لماذا قالوا لأنه يتحاكم إلى الطاغوت قلنا لهم ما دليلكم قالوا قوله تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا فقلنا لهم هل أبو زيد يريد أن يتحاكم إلى الطاغوت أم هو مضطر لاستخراج حقه قالوا لا هو لا يريد فالآية التي احتجوا بها عليه هي حجة عليهم. Le cheikh il dit, et parmi leurs égards, leurs ignorances et leurs égarements, et on peut remarquer l'exemple suivant. Il dit, quand on était assis à Médine, on était assis à Médine et ils ont dit, ces takfirines, ils ont dit que Abu Zayd, un individu qui était, qui se nommait Abu Zayd, qui était soudanais, ils ont dit qu'il était kafir. Alors on a dit, pourquoi? Ils ont dit, parce que il juge selon le tarot. On leur a dit, et quelle est votre preuve? Ils ont mentionné le verset 60 dans Surat An-Nisa. N'as-tu pas vu ceux qui prétendent croire en ce qu'on a fait descendre sur toi et ce qu'on a révélé avant toi, ils veulent prendre pour juge le tarot alors qu'on leur avait ordonné de rejeter, hein, de le rejeter. Mais le shaitan veut les égarer d'un égarement lointain. Enfin, donc, le cheikh il dit, on leur a dit à ces takfirines, est-ce que Abu Zayd il veut juger selon le tarot ou bien il est sous la nécessité, c'est-à-dire il est forcé d'une certaine façon ou c'est une nécessité pour lui pour pouvoir retirer son droit. Ils ont dit non, il veut pas réellement, il est forcé à le faire parce que c'est une nécessité pour lui. Alors, il dit le verset qu'ils ont utilisé comme preuve est en réalité un verset ou une preuve contre eux-mêmes. Il y a beaucoup de gens comme ça qui font le takfir des gens parce qu'ils vont par exemple aller à la cour dans des pays non musulmans, ils vont aller à la cour pour avoir leurs droits. Il y a des gens qui disent, ben là ça y est, vous avez pris le tarot comme juge, hein, et ils comprennent pas que dans des cas comme ça, c'est des cas de nécessité et que c'est pas parce qu'on veut, mais c'est parce qu'on n'a pas le choix, hein. Donc des situations comme ça, c'est pas de juger selon le tarot. Et il dit, wa hakada ahlus sunna hafazahumullah فهم الذين يواجهون أهل الباطل من جماعات التكفير ولا تظن أنني أقر الجماعة الأخرى فأنا أعتبرها نعرات جاهلية وفتنة من قبل أعداء الإسلام ليفرقوا جمع المسلمين فأقول لجماعة التكفير يجب أن يتوبوا إلى الله عز وجل وأن يسألوا أهل العلم ورب العزة يقول في كتابه الكريم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فتجد أحدهم إذا قلت له ما دليلك على رفع اليدين قال لا أدري أو تقول له ما دليلك على السجود على الأرض على الأعضاء السبعة قال لا أدري الشيخ الزي Et c'est ainsi que Ahlus Sunnah, que Allah les préserve, ce sont eux qui affrontent les gens du mensonge et de la fausseté, hein, parmi les gens du groupe de Takfir. Et il dit, le Cheikh ne croyez pas que j'approuve les autres groupes, les autres jama'at. Hein, je les considère toutes comme étant des formes de jahiliya et des formes de fitna, qui sont venus de la part des ennemis de l'islam pour diviser l'unité des musulmans. Donc je dis que à propos du jama'at takfir, hein, du groupe de takfir, il est obligatoire pour vous de vous repentir à Allah subhanahu wa ta'ala et que vous demandiez aux hommes de science, aux gens de science, parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans son livre, dans le verset 43 dans sourate An-Nahl, demandez à ceux qui savent si vous ne savez pas. Fas'alu ahl al-dhikri in kuntum la ta'lamun. Il dit le cheikh, tu trouves que l'un d'entre eux, parmi ces gens-là, si tu lui demandes quelle est ta preuve au sujet de lever la main, hein, lever les mains dans la prière, il va dire je ne sais pas. Et si tu lui demandes quelle est ta preuve pour le fait de te prosterner sur sept membres, hein, comme c'est mentionné dans la sunna, il dit je sais pas. C'est-à-dire, ces gens-là, c'est des gens qui parlent de takfir et des choses qui sont très, très grandes, très, très dangereuses dans la religion. Mais les choses simples et les choses de base, ils les ignorent. Donc ça, c'est pas normal, hein. ثم بعد ذلك ينصب نفسه لتكفير المسلمين. فمهلا أيها الجويهل. فكيف تنصب نفسك لتكفير المسلمين؟ فإنك بفعلك هذا تقر به أعين الشيوعيين والبعثيين والناصريين والحكومات بل أعين أعداء الإسلام وتفرق جمع المسلمين وسيذوبون كما ذاب شبيب ونافع ابن الأزرق وعمران بن حطان وغيرهم من رؤوس الخوارج وسيذوب الجهلاء ها هنا وستبقى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم للشيخ الزي. Et puis donc on a vu que ces gens-là, c'est des gens d'ignorance. Si tu leur demandes des questions très simples sur la religion, ils ignorent la réponse. Pourquoi? Parce qu'ils se préoccupent pas de l'apprentissage de la science. Ils se préoccupent uniquement de faire le takfir des musulmans. Et si tu leur demandes donc des questions simples, ils ne savent pas la réponse. Toutefois, ils se placent eux-mêmes comme étant ceux qui font le takfir des musulmans. Alors il dit, prenez, hein, calmez-vous, les petits ignorants. Hein, comment vous pouvez vous placer vous-même dans une position de déclarer les musulmans koufars? Hein, il dit, en agissant de cette manière, hein, tu es en train de faire plaisir aux shuriyin, aux communistes, tu es en train de faire plaisir aux socialistes baptistes, tu es en train de faire plaisir aux nasiristes et aux autres groupes et aux autres partis politiques qui défendent la laïcité et les autres idéologies de kufr, et ainsi que tu es en train de faire plaisir aux ennemis même de l'islam parce que tu divises les musulmans. Et il dit inshallah, il dit ils vont fondre comme les autres ont fondu avant eux, hein, comme Shabib et Nafi' ibn al-Azraq, hein, Al-Azariqa, différents groupes, différents, parmi les têtes des Khawarij qui sont apparus à différentes époques, Nafi' ibn al-Azraq, Umran ibn Hattan, si je me souviens bien, c'est lui qui a épousé une Kharijiya, hein. Il a épousé une femme parmi les Khawarij et il pensait qu'il allait la ramener à la Sunna. Donc il s'est marié avec elle. Hein? Et puis quelque peu de temps après, c'est lui qui est devenu Khariji parce que c'est elle qui l'a amené à la voie des takfiriyin. Donc ça c'est pour faire comprendre, des fois il faut faire attention, il n'y a pas que des hommes qui sont des khawarij, il n'y a pas que des hommes qui sont des takfiriyin, il y a aussi des femmes qui sont takfiriyat, et qui sont dans le takfir aussi, et elles sont parfois même aussi dangereuses, et même parfois plus dangereuses que certains hommes, hein. Et elles ont des shubuhat et des arguments aussi, et elles font la fitna aussi chez les sœurs avec ces shubuhat là, et donc il y en a beaucoup parfois qui se laissent tromper. Vous pouvez voir une sœur avec un sitar et tout, jilbab et niqab et tout, vous pensez que c'est une salafie, hein, dans votre esprit quand vous la voyez, vous dites ah mais ça c'est sûrement une salafie, et puis pourtant quand elle commence à parler, elle commence à faire le takfir et appeler à la fitna et appeler à l'ignorance et à l'égarement. Et donc il faut bien faire attention, yani c'est pas tout ce que tu vois en apparence qui est la réalité, hein. Ensuite, il mentionne d'autres parmi les têtes donc il mentionne ces têtes-là parmi les têtes des Khawarij, et il dit, Inch'Allah, ces ignorants-là, ils vont fondre ici, hein, et c'est la sunna du messager, sallallahu alayhi wa sallam, qui va rester. Ensuite, il dit, Wa ayna tujad jama'at al-takfir min ajli an yuhadhar minhum. Yujaduna fi al-dhayaki indana fi al-Yaman. وفي الدليل مجموعة حقيرة ليس لهم شأن ويوجد أناس بالبيضاء قد هدر عليهم الهدار حتى جهلهم. Donc ça c'est le cheikh, il dit où est-ce qu'ils se trouvent les takfiriyin ici pour qu'on puisse avertir contre eux. Il dit on les retrouve dans des régions du Yémen comme Al-Dhayaki. Et il y a un petit groupe de minab dans un endroit qui s'appelle Ad-Dalil, et ils n'ont pas aucune importance. Et il y en a d'autres dans un endroit qui s'appelle Al-Bayda, hein. Et il mentionne une parole par la suite, il dit Ya Allah biha, Ya Allah biha, Ya Allah bi husn al-khatima, li khamsatun atfi bihim, nar al-ludha wal-hatama, المصطفى والمرتضى وابنه وابنهما والفاطمة. يعني ça c'est des paroles des chiites ou bien des soufis qu'il chantait. يعني il dit فقد انتقلوا من بدعة الصوفية إلى بدعة الخوارج فرجعوا إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه ربنا عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخرة. Donc le cheikh il dit ils ont quitté la bid'a des soufis, puis ils sont tombés dans la bid'a des khawarij, hein. Donc revenez à la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui dit dans à la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, notre Seigneur qui dit dans le Coran, il dit que Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran à son sujet, au sujet du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il y a pour vous certes un bon exemple en la personne du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, en la personne du messager d'Allah, pour celui qui espère en Allah et au jour dernier. Le verset 21 dans Surat Al-Ahzab. والذي يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيها من رغب عن سنتي فليس مني ويقول أيضا جعلت الذلة والصغار على من خالف أمري. Et il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit également à propos de sa sunna, celui qui s'en écarte ou celui qui préfère autre chose à ma sunna, alors il n'est pas de moi. Et il a dit également, et l'humiliation et la petitesse a été lancée sur celui qui a contredit mon commandement. وليس أهلا للمناظرة وليس أهلا للمناظرة فإنهم يذوبون إذا قام أهل السنة بما أوجب الله عليهم من التعليم وقد تكلمنا معهم فكانوا يقطعون علينا الكلام ويرفعون أصواتهم شأنهم كما قال كفار قريش لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. يعني le cheikh il dit, et ils ne sont pas aptes à faire des discussions ou des débats, parce qu'ils fondent lorsque les gens de la sunna soutiennent et remplissent leurs obligations d'enseigner les gens, hein, d'enseigner aux gens la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils commencent à fondre. Et lorsqu'on a parlé avec certains d'entre eux, ils nous coupaient la parole et ils élevaient la voix, hein, de la même manière que Allah subhanahu wa ta'ala dit au sujet des kuffars de Quraysh dans le verset 26 dans sourate Fussilat: n'écoutez, n'entendez pas ou n'écoutez pas ce Coran et faites du bruit, hein, quand il est récité, pour que vous puissiez avoir le dessus. Donc c'est un peu de cette manière-là qu'ils faisaient lorsqu'ils étaient devant le Cheikh, pour ne pas entendre ce qu'il dit, ils levaient la voix et ils lui coupaient la parole. Et donc c'est ça leur méthode, c'est ça leur façon et c'est ça leurs égarements. Maintenant il y a les questions qui ont été posées au Cheikh ainsi que les réponses. Donc inshallah on va en lire quelques-unes. Inshallah. Donc le Cheikh il dit, on a posé la question au Cheikh: بعض التكفيرين يكفرون أنفسهم فقد أخبرني بعض الإخوة الذين كانوا في أفغانستان أنه جلس بجانب أحدهم ذات مرة وكان ذلك التكفير يكفر وفجأة ناداه ذلك التكفير وقال له: ماذا تريد؟ فقال: لقد كفرت. الله المستعان. Le Cheikh, on lui a posé la question, on a dit, il y a certains takfiriyin, ils se déclarent eux-mêmes kuffar. Hein, un des frères m'a informé que ceux qui étaient en Afghanistan, il y en a un parmi eux qui était assis à côté d'un autre une fois et il était en train de faire le takfir. Et d'un seul coup, il commence à crier. Alors l'autre, il lui dit: qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu veux? Et l'autre takfiri, il lui répond: j'ai fait le kufr. Il dit, je suis devenu mécréant. Donc le Cheikh, il répond à ça. Il dit: hum yukafirun anfusahum, wa yukafiru ba'duhum ba'dan, wa uridu min ikhwani fi Allahi an yuraji'u kitab al-farq bayn al-firaq, wa kitab al-milal wa al-nihal lil-shahristani. والفصل الفصل لابن حزم فربما يجلس أربعة أو خمسة في مجلس واحد فلا يقومون معه إلا وقد كفر بعضهم بعضا. الشيخ الذي ces gens là ils font le Cheikh Mokbel il dit ils se font le takfir d'eux-mêmes, ils se font le takfir d'eux-mêmes, c'est-à-dire ils se déclarent eux-mêmes mécréants. Et ils se déclarent mécréants les uns les autres, entre eux, les khawarij. Et il dit: je veux que mes frères, Allah subhanahu wa ta'ala, revisent ou retournent au livre Al-Farq bayn al-Firaq, ou le livre Al-Milal wa al-Nihal de l'imam ou du Cheikh Al-Shahristani, ou bien Al-Fasl de l'imam Ibn Hazm. Ce sont des livres qui mentionnent les différentes sectes islamiques et leurs différentes croyances et leurs différents noms. Donc il va vraiment dans les détails au sujet, à ces sujets-là. Donc dans ces livres-là, on mentionne des exemples dedans. Il dit: des fois tu vas trouver qu'ils sont quatre ou cinq en train de s'asseoir pour discuter, et puis quand ils se lèvent, ils se sont tous déclarés kuffar les uns les autres. Donc ça, c'est des exemples de l'égarement de ces groupes de takfir. Su'al: يوجد في عدن في المسجد الكبير جماعة من التكفير دخلوا مؤخرا إلى المسجد فكيف يكون التعامل معهم؟ الجواب: يجب أن يحذر منهم الناس، فإنما لو سحنت لهم الفرصة لسفكوا الدماء واستحلوا المحارم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. شيخ إلياء عدن من مسكي. Et dans cette mosquée, il y a un groupe de takfirs qui sont rentrés dernièrement. Alors comment on doit agir envers eux? La réponse du Cheikh, il dit: il est obligatoire d'avertir contre eux, avertir les gens contre eux, hein, de les faire savoir à leur sujet. Parce que si on leur laisse la chance, ils vont faire couler le sang des musulmans et ils vont rendre halal, hein, leur bien et leur sang et leur personne, et ainsi de suite, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous l'a dit. Donc ça, c'est des exemples, comme le cheikh il dit, qu'est-ce qui arrive quand dans une ville ou dans un quartier ou dans une mosquée, on voit apparaître des jeunes ou des individus qui font le takfir, il faut avertir les gens contre eux. Il faut avertir les gens contre eux et leur faire savoir que ce sont des takfiriyins et que ce sont des gens qui appellent à la fitna. Comme ça, ils vont être obligés de s'en aller. Ils vont être obligés de se cacher. Ils vont être obligés d'aller ailleurs. Parce que ces gens-là, ils veulent justement pas se faire remarquer. Ils veulent rester dans l'ignorance. Ils veulent pas que, c'est-à-dire, ils veulent rester pas dans l'ignorance. Je veux dire, ils sont déjà dans l'ignorance, mais je veux dire, ils veulent rester dans incognito, c'est-à-dire dans l'ombre. Ils veulent rester dans l'ombre. Donc le fait qu'on avertisse les gens contre eux, ça les force à s'éloigner, à s'en aller. Le cheikh il dit, وحديث أم سلمة عند مسلم مرفوعا إنه سيستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون فمن كره فقد برئ ومن أنكر فقد سلم ولكن من رضي وتابع قالوا أفلا نقاتلهم قال لا ما أقام فيكم الصلاة أليس في الحديث رد عليهم الجواب نعم وقد تركت آيات وأحاديث مثل حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل وهذا الحديث وأمثاله يدل على أنه لا يجوز قتال المسلم. Le cheikh, on lui a posé la question, il y a un hadith rapporté selon Salama, qui est rapporté par Muslim, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il y aura sur vous des dirigeants. Vous allez approuver des choses qu'ils font et vous allez en désapprouver d'autres. Alors celui qui a détesté ce qu'ils font, alors il est innocent. Celui qui a dénoncé ce qu'ils font ou qui a dit que ce qu'ils font n'était pas correct, il a été sauf. Toutefois, celui qui est satisfait et qui a suivi. Alors, ils ont dit, est-ce qu'on ne doit pas les combattre au messager d'Allah? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit non, tant qu'ils ont établi parmi vous la salat. Et donc, n'est-ce pas que dans ce hadith, il y a une réfutation de ces gens-là? Et le cheikh Mukbil, il a répondu, il a dit, oui, certes, il y a des hadiths et des versets et des hadiths que je n'ai pas mentionnés. Hein? Comme le hadith, par exemple, de Ubada ibn Samit, radiallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui témoigne de la ilaha illallah et de Muhammad Rasulullah, et que Isa est le serviteur et le messager d'Allah, qui est le serviteur et le messager d'Allah, et qu'il ait une parole qu'il a mis en Maryam et une âme. Et une âme venant de lui. Et que le paradis est véridique et que l'enfer est véridique, Allah subhanahu wa ta'ala le fera entrer dans le paradis avec ce qu'il faisait comme action. Et donc ce hadith ainsi que d'autres hadiths indiquent qu'il n'est pas permis de combattre le musulman. Qu'il n'est pas permis de combattre le musulman. Dernièrement, justement, j'avais une discussion, l'année après la prière de Isha, j'étais avec deux frères, et puis, il y avait un homme là qui est avec les Ikhwan, ici à Montréal, et puis on commençait à discuter. Hein? On discutait de certaines choses, et je lui disais juste que j'allais lui amener quelques livres, quelques audios pour qu'il puisse écouter. Parce que souvent, les gens, ils n'ont pas entendu les paroles des ulama, d'Ahl Sunnah. Alors le fait de les entendre et de les écouter, ça peut les aider à comprendre mieux beaucoup de choses qu'ils n'ont pas compris de l'islam. Alors on commençait à discuter et tout. Et puis je lui ai parlé, on est rentré dans le sujet de l'Arabie Saoudite, je ne sais pas comment. Et puis Yanni, je lui disais que l'Arabie Saoudite c'est un pays musulman et c'est un État islamique. J'ai dit Alhamdulillah et tout. Donc, lui commence à se mettre en colère, commence à crier, dire non, c'est pas un État islamique, c'est pas comme ça. Alors, je lui ai demandé, qu'est-ce que c'est un État islamique? Et là, il m'a énuméré quatre ou cinq choses qui distinguaient ou qui faisaient qu'un État devenait ou était un État islamique. Et parmi toutes ces quatre exemples qu'il m'a donné, il n'y en a aucune qui est réellement une condition absolue pour, ou bien une condition même pour que ce soit un État islamique. Il y en a même qui sont totalement contraires à l'islam parmi les exemples qu'il a mentionnés. Mais en réalité, qu'est-ce que j'ai compris de ce qu'il concevait ou de qu'est-ce qu'il voyait comme étant un État islamique en fait, c'est en réalité qu'il considère qu'un État islamique c'est un État démocratique. C'est pour lui un État islamique, c'est un État démocratique, et qu'en réalité l'application de la charia pour lui c'est un détail en fait, que c'est pas réellement important, malgré que on va, donc par exemple il m'a mentionné première condition pour qu'un État soit islamique, qu'est-ce qu'il m'a mentionné? Que le chef d'État soit choisi par le peuple. Donc j'ai dit ça c'est pas l'islam, ça c'est la démocratie que tu es en train de nous présenter là. Et là il a commencé à dire ouais mais bon c'est comme ça dans l'islam, etc. J'ai dit est-ce que tu peux nous donner des preuves? Et bien entendu il n'a pas pu donner de preuves. Ensuite il m'a dit il faut appliquer la shura. Bon, pour lui bien entendu la shura il pense que c'est la démocratie. Encore là, encore une fois, on voit que ces gens-là n'ont pas de compréhension de la réalité de ce que signifie la shura. Parce que bien sûr, dans la shura, c'est uniquement les ulama et les savants et les gens d'expérience qui font partie de la shura. Ce n'est pas la population en entier. Et on ne va pas leur demander à chacun d'entre eux, à chaque individu de la population, de donner leur opinion ou leur point de vue, ou de choisir qui allait être un dirigeant apte à les gouverner. Donc ça c'est son deuxième exemple. Après il a mentionné l'exemple de la justice et de l'égalité, et il a dit sans la justice et l'égalité il ne peut pas y avoir un État islamique. Donc je lui ai dit d'accord, ça veut dire que si dans un État il y a des injustices, alors automatiquement c'est plus un État islamique? Il m'a dit non, c'est pas un État islamique. J'ai dit subhanallah. J'ai dit alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il nous a annoncé, il nous a dit qu'il y allait avoir des injustices de la part des dirigeants depuis son époque, il nous a dit qu'il y allait en avoir. Il nous a même averti que il y allait avoir des dirigeants qui vont prendre tout pour eux et qui ne vont rien donner. Ils vont rien vous donner. Ils vont prendre toute la richesse pour eux seulement et ils vont rien vous donner. Et quand les sahabes ont dit qu'est-ce qu'on doit faire au messager d'Allah avec cette situation-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu, donnez-leur qu'est-ce qui est obligatoire, c'est-à-dire donnez-leur votre devoir, qu'est-ce que vous devez leur donner comme obligation, et demandez à Allah pour qu'il vous donne qu'est-ce qui vous appartient, qu'est-ce qui est votre droit. Donc c'est pour dire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas dit aux gens, faites la rébellion, commencez à critiquer, commencer à appeler à la révolte, ou bien commencer à mentionner les péchés des dirigeants et à appeler à la rébellion contre eux. Il n'a pas dit ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, au contraire, a dit non. Demandez à Allah qu'est-ce qui vous appartient. Et donnez-leur qu'est-ce qui est obligatoire. Qu'est-ce qui est votre devoir à vous, donnez-le. Parce qu'il a dit, dans un autre hadith, فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلْ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, parce que Qu'est-ce que vous avez fait comme péché? Ça va être contre vous. Vous allez devoir le porter au jour de la résurrection. Et eux auront apporté leur péché à eux. Donc, c'est-à-dire, chacun, il remplit son devoir et son obligation. Si eux, ils manquent à leur devoir et à leur obligation, ça c'est leur problème. Ils auront des comptes à rendre à Allah subhanahu wa ta'ala. De votre côté, à vous, toutefois, si vous ne remplissez pas vos devoirs envers eux, eh bien, le fait qu'ils sont injustes ou qu'ils font du mal, ce n'est pas une excuse pour vous de ne pas remplir votre part de votre obligation. Donc, ça c'est un autre exemple. Et il y a d'autres hadiths aussi qui nous expliquent aussi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il avait averti qu'il y allait avoir des dirigeants, hein, que leur cœur allait être comme des cœurs de قلوبهم قلوب الشياطين, comme des cœurs de diable dans des corps d'hommes. Alors les sahaba ont demandé, Hudhayfa radiyallahu anhu, il a demandé au prophète sallam, au messager d'Allah, qu'est-ce qu'on doit faire lorsqu'on va avoir à faire face à des hommes comme ça. Le prophète sallam a dit, écoute et obéis. Il a dit, écoute et obéis. Même si on frappe ton dos et qu'on prend tes biens, écoute et obéis. Donc, il y en a qui disent, non, ça c'est juste pour les dirigeants qui sont des bons dirigeants. Comment des bons dirigeants alors qu'ils font de l'injustice, hein? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit qu'ils avaient des cœurs de diable. Est-ce que ça c'est des bons dirigeants? Il dit non, mais il y en a qui disent non, ça c'est pour le khalifa qui dirige toute la umma en même temps. Il dit subhanallah, depuis quand il n'y a plus d'un seul khalifa pour toute la umma? Depuis quelle époque, hein? Ça fait pas depuis seulement l'époque de Kemal Atatürk, comme certains s'imaginent là. Hein? Déjà à l'époque de l'Empire Ottoman, ils ne dirigeaient pas, les Ottomans ne dirigeaient pas la Ummah au complet. Il y avait seulement une partie de la Ummah qui était dirigée par l'Empire Ottoman. Le reste des pays musulmans n'était même pas dirigé par les Ottomans, en commençant par le Maroc, les pays de l'Afrique de l'Ouest, en mentionnant aussi la péninsule arabe, à part le Hijaz, à part Mecca et Medina, le reste de l'Arabie était pas dirigé par les Ottomans, de même que les autres régions plus loin, plus éloignées, comme la Malaisie, l'Indonésie, le Pakistan et d'autres régions. Parmi ces régions là ils étaient pas dirigés par l'Empire Ottoman, ils étaient indépendants. Et certains même étaient colonisés à l'époque par des puissances occidentales. Hein? Donc, comment ces gens-là peuvent prétendre que c'est seulement s'il y a un dirigeant pour toute la Ummah qu'on doit obéir à notre dirigeant? Hein? Les ulama, ils ont expliqué que si, et il y a une ijma à ce sujet-là, que si dans une région ou dans une contrée, un dirigeant est écouté, obéi, il a une autorité, et qu'il est apte à se faire obéir, dans ce cas-là, c'est lui le dirigeant. Et c'est lui qui doit appliquer la charia et faire appliquer les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala, etc. Donc ça, c'est des choses qui sont connues depuis des siècles. C'est pas depuis quelques années seulement, c'est depuis des siècles, c'est comme ça, bien avant l'Empire Ottoman. Et donc, ces gens-là doivent comprendre ces choses-là, ces points-là. Donc tout ça, c'est des exemples que j'ai mentionnés à ce frère. J'ai dit, s'il y a des injustices, ça c'est des choses que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous avait annoncées déjà, ça fait partie des signes de la prophétie, hein? Et il nous avait dit qu'il y allait avoir de l'injustice. Maintenant, comment régler cette injustice-là? Et comment arranger les problèmes de l'injustice? Il me dit, non, en Arabie Saoudite, il y a des banques avec le riba, il y a de l'injustice, il y a des péchés, hein? Là, soi-disant, on applique la loi islamique seulement pour des pauvres, et pour les riches, on l'applique pas, ou pour les gens de la classe dirigeante, on les applique pas, et ainsi de suite, ainsi de suite. Ça, c'est des exemples qu'il manquait, des exemples qu'il mentionnait. Donc, le fait qu'il y ait des banques avec le riba, c'est un fait, personne le nie, et les ulama en Arabie Saoudite sont les premiers à expliquer, à mentionner que le riba c'est haram, et ce sont les ulama les plus sincères, les plus clairs à ce sujet-là. Ils cherchent pas des manières de se faufiler pour rendre les choses halal, non, au contraire, ils donnent les fatwas claires à ce sujet-là. Et même Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, il disait que même travailler comme agent de sécurité à la porte de la banque, c'est haram. Donc les ulama ils disent la vérité par rapport à ces questions-là. Ils vont pas déformer le verdict, contrairement aux Hizbiyin qui essaient de le rendre halal et cherchent des choubouhats pour essayer de se permettre le riba. Donc ça c'est de un. Deux, le fait qu'il y ait des banques, ça ne veut pas dire qu'ils croient que c'est halal. Ça ne veut pas dire qu'ils croient que c'est halal, parce que Ahl al-Sunnah wal-Jama'a, ils ne considèrent pas que le fait de faire un péché rend le péché halal. Ça ne veut pas dire qu'on l'a rendu halal. Et deuxièmement, ça ne veut pas dire qu'on est kafir parce qu'on le fait. Donc ça c'est la différence entre Ahl al-Sunnah et les Khawarij. qui déclarent les musulmans kuffar à cause d'un péché qu'ils font. Ils disent, ah, s'ils le font, ça veut dire qu'ils croient que c'est halal. Non, ça ne veut pas dire qu'ils croient que c'est halal, mais ça veut plutôt dire que la personne, elle a une foi qui est faible, ou bien elle a un manquement dans sa foi. Donc on ne peut pas utiliser ça comme un argument ou comme un point pour justifier le fait de les déclarer kuffar ou des choses de ce genre. Hein? Et il mentionnait d'autres exemples, Yanni, à la méthode des takfiriyin et des khawarij. Hein? Et donc c'est des gens qui appellent à ces choses-là. Maintenant, Yanni, on voit que ces gens-là, ils ont une haine, une rage contre l'Arabie Saoudite. Ils sont prêts à tout pour les discréditer et parler mal contre eux. Hein? Et quand je lui ai demandé, d'accord, maintenant tu mentionnes qu'il y a de l'injustice et qu'il y a des péchés là-bas, est-ce que c'est seulement là-bas qu'il y en a ou bien c'est dans le monde entier qu'il y en a? Est-ce qu'il y a un pays où il n'y a pas d'injustice du tout? Est-ce que tu veux un pays qui est parfait? Tu veux un pays qui est absolument exempt de toute forme d'injustice à 100%? Et c'est seulement ça qui sera un État islamique? Et s'il n'y a pas ça, ça veut dire s'il n'y aura jamais d'État islamique, ça veut dire dans ce cas qu'il n'y a jamais eu d'État islamique. Hein? Parce qu'il y a toujours eu, quelque part, une sorte d'injustice quelconque. Ça ne se peut pas qu'il n'y ait pas du tout d'injustice, jamais. Hein? Donc, ça c'est l'exemple et les preuves de leur égarement et de leur ignorance de ces gens-là qui jugent par autre que la loi d'Allah et qui se basent sur autre que la révélation d'Allah pour déclarer des pays comme étant des pays de kufr. Hein? Que ce soit, et aussi ils vont mentionner l'exemple du fait que durant la guerre du Golfe, hein, les Américains sont rentrés là-bas et ils disent, bon, ça c'est la preuve que c'est pas un pays musulman, parce qu'ils ont pris pour alliés, soi-disant, les Américains. Et donc ça fait partie de leur choubourat. Et bien entendu, alhamdoulilah, c'est pas la première fois que les forces étrangères ou des armées étrangères entraient en Arabie. Dans la première guerre mondiale, il y en avait. Dans la deuxième guerre mondiale, il y en avait. Hein, il y en a déjà eu. Et cette guerre qu'il y a eu durant la guerre du Golfe, c'était pour protéger, pour défendre l'Arabie Saoudite contre Saddam Hussein, le socialiste baathiste. Hein. Et bien entendu, les Ikhwan, ils sont des socialistes. Ils appellent au socialisme. Donc, ils se sont mis du côté du socialiste. Hein? Ils se prétendent en faveur de la charia, mais ils défendent tout ce qui est contraire à la charia. Hein? Donc, ça, c'est des exemples. Et ils ont essayé de dire que ça, c'était kufr. Hein? Alors que les ulama ont expliqué, ont parlé, ont fait des fatwas à ce sujet-là. Hein? Et ça, c'est une autre preuve aussi contre eux. C'est que si c'était un pays de kufr ou si c'était un gouvernement non musulman, comment ça se fait que les ulama, ils n'ont pas dit ça? Comment ça se fait que les ulama, ils ne le déclarent pas kuffar? Hein? Et donc, ça, c'est une autre preuve contre eux. Et eux, ils sont obligés de dire par la suite, ah, mais c'est parce que ce sont des hypocrites ou parce que ce sont des agents du gouvernement ou parce que ce sont des gens qui sont à la solde du gouvernement. Ils travaillent pour le gouvernement, donc ils ne vont pas dire la vérité. Donc ils les accusent d'être hypocrites ou de ne pas être sincères. Et donc ça montre leur manque de respect et leur égarement du fait qu'ils déclarent les ulama kuffar et ils déclarent les ulama des hypocrites, hein, et des choses de ce genre. Donc ça c'est leur méthodologie. Hein. Quand tu les places devant les faits, ils peuvent plus bouger. Et tous les mouvements qu'ils peuvent faire, hein, tous les mouvements qu'ils peuvent faire, c'est des mouvements qui vont les faire tomber. Chaque parole qu'ils vont dire après ça, c'est une parole qu'ils vont dire contre eux-mêmes. Ils ne font du tort qu'à eux-mêmes. Hein, parce que quand ils attaquent les ulama, ils s'attaquent eux-mêmes en réalité. Ils ne font du mal qu'à eux-mêmes. En prouvant leur égarement, en prouvant leur ignorance, en prouvant leur extrémisme. Donc pourquoi les ulama ils ne le disent pas si c'est vrai? Parce que les ulama, ce sont ceux qui craignent le plus Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est eux qui ont le plus de connaissances de la sharia d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc si eux ils ne parlent pas, pourquoi toi tu parles? Hein? Et si les ulama ils ne le disent pas, alors pourquoi toi tu dis? Est-ce que tu connais mieux que les ulama? Est-ce que tu crains plus Allah que les ulama? Hein? Donc ça c'est l'ignorance. Soit qu'ils disent, non, on n'a pas plus de science que les ulama, alors dans ce cas-là, il doit se taire. Ou soit ils disent, oui, on a plus de science que les ulama, et là, ils ont menti, hein, et ils les déclarent kuffar, et donc ils ont menti encore une fois, et ils se sont fait du tort à eux-mêmes, en prouvant leur ignorance. Donc le cheikh, on lui a posé une autre question, là je reviens aux questions et réponses du cheikh. سؤال الحد الأدنى للإسلام هو عدم الإصرار على المعصية فإذا أصرت على المعصية فأنت كافر فما ردكم على هذا جواب إذا أصر على المعصية فليس فيه دليل على أنه كافر إلا إذا أصر على الكفر أما إذا أصر على ذنب فهذا يكون مرتكبا لكبيرة وقد مدح الله عز وجل الصالحين فقال ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون فهو آثم على إصراره أما أن يبلغ به إلى الكفر فأين الأدلة على ذلك. Donc le cheikh مقبل il dit, on a posé la question au cheikh, il dit la limite la plus basse par rapport à l'islam c'est de ne pas persister à faire un péché. Et si quelqu'un persiste à faire un péché, alors il est kafir. Alors, quelle est votre réfutation de cette parole? Qu'est-ce que vous répondez à cette parole? Parce qu'il y a des gens comme ça maintenant, et ça commence à se propager cette idée à cause des gens comme Abu Ishaq al-Huwayni et Safar al-Hawali, Salman al-Awda et d'autres également. Il commence à essayer de faire croire aux gens que si quelqu'un persiste à faire un péché, ça veut dire qu'il est kafir. Hein? Parce qu'il croit que le fait de persister à le faire, c'est une forme d'istihlal, ou que c'est une forme de chose. C'est-à-dire, il croit que ça veut dire que tu l'as rendu halal, le fait que tu persistes à le faire. Cheikh Mukbil, il a réfuté cette parole et cette idée-là. Et il a dit, si quelqu'un persiste à faire un péché, il n'y a aucune preuve là-dedans que cette personne-là est kafir, excepté si elle persiste à faire quelque chose qui est kufr, ça c'est autre chose. Mais si la personne persiste à faire un péché, alors dans ce cas-là, c'est quelqu'un qui a commis un grand péché, une kabira, un grand péché. Et Allah subhanahu wa ta'ala a glorifié dans le Coran ceux qui, parmi les hommes pieux, se repentent sans persister à faire ce qu'ils font comme péché. Donc le verset 130 dans sourate Al-Imran. Donc ce sont des pécheurs, hein? Ils sont pécheurs en persistant à faire le péché qu'ils font. Mais de là à dire que ça atteint le degré de kufr, alors où sont les preuves à ce sujet, hein? Il n'y a pas de preuves bien entendu à ce sujet-là. Hein? Et le fait que quelqu'un, hein, moi je rajoute par rapport à ce que le cheikh a dit, parce qu'il y a d'autres ulama qui ont parlé de cette question-là, qui ont réfuté Abu Ishaq al-Huwayni et Salman al-Awda et Safar al-Hawali et d'autres au sujet de cette question, ils les ont réfutés, hein, ils ont expliqué que le fait que quelqu'un persiste à faire un péché, ça c'est pas une preuve qu'il est kafir. De même que la personne qui ordonne à quelqu'un de faire un péché, ça veut pas dire qu'il est kafir également, hein, tant qu'il ne l'a pas rendu halal. Et le rendre halal, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il dit avec sa bouche qu'il croit que cette chose-là est halal, hein, comme par exemple l'alcool. Il dit je crois que l'alcool est halal. Si quelqu'un dit ça, il est kafir s'il connaît les preuves. Hein? Et donc le fait de boire de l'alcool, même si tu dis à quelqu'un arrête de boire de l'alcool, puis il dit laisse-moi tranquille, ça ne veut pas dire qu'il le rend halal. Ça ne veut pas dire qu'il est kafir à cause de ça. Hein? Et ça m'est déjà arrivé personnellement, je marchais dans la rue, puis il y a des musulmans qui étaient assis sur une terrasse, et quand je me suis arrêté pour leur dire, est-ce que vous savez que l'alcool est haram? Ils m'ont dit, oui, on sait que c'est haram, mais qu'Allah nous pardonne. Hein? Est-ce que tu vas dire que ces gens-là sont des koufars parce qu'ils ont continué à boire? Non, bien sûr que non. Et ils savent que l'alcool est haram. Et quand ils ont terminé, souvent ils rentrent à la maison, ils ont des remords. Et ils savent que ce qu'ils ont fait, c'est mal. Hein? Donc c'est pour dire, ces gens-là, peut-être Allah va accepter leur repentance s'ils se repentent, hein, bien sûr. Et il va faire d'eux des bons musulmans, s'il se réforme et s'il demande pardon. Donc ça, c'est des exemples à ce sujet-là. Et la même chose pour quelqu'un qui a un magasin. Une fois, j'ai donné cet exemple-là à un takfiri. Je lui dis, si quelqu'un a un magasin, et dans son magasin, il y a de l'alcool. Et il ordonne à son employé de vendre l'alcool et de vendre des cigarettes. Est-ce qu'il est kafir? Même s'il reconnaît son interdiction, bien entendu, tu ne peux pas faire le takfir d'un individu pareil. Hein? C'est un grand pécheur, il n'y a pas de doute, sa foi elle est faible, hein? C'est un fait assez, mais tu ne peux pas dire qu'il est kafir. Wa su'al, hal yajouzu an nukaffir jama'at takfir? Al jawab, la, la nukaffirhum. وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قال لأخيه يا كافر فإن كان كما قال وإلا رجع عليه فلا نكفرهم وعلي بن أبي طالب يقول في الخوارج من الكفر فر فنحن نعتبرهم مبتدع ضالين أضل من حمر أهلهم لشيخ الزي on a posé la question au cheikh, est-ce qu'on a le droit de faire le takfir du groupe de takfir, est-ce qu'on a le droit de les déclarer kuffar? Le Cheikh Mokbel, il a dit non, on ne les déclare pas kuffar. Il dit, le prophète, même si le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui dit à son frère, ô kafir, ô toi le kafir, hein, alors si ce n'est pas comme il l'a dit, si ce n'est pas tel qu'il le dit, alors ça revient sur lui. Hein, mais on ne les déclare pas kuffar. Parce que Ali ibn Abi Talib, radiyallahu anhu, a dit au sujet des khawarij, c'est du kuf qu'ils ont fui. Donc, on les considère comme étant des gens de bid'ah, égarés, et plus égarés que les ânes de leur famille. Un sual. Hal yajouz an nuharib jama'at al-takfir. Est-ce qu'il est permis de déclarer la guerre, de combattre jama'at al-takfir? Cheikh Mokbil, il répond, il dit, jawab, la nuharibhum illa idha bada'ouna. ورأينا ضررا منهم على الإسلام والمسلمين فنفعل كما فعل علي بن أبي طالب وإلا فالأصل في المسلم حرمة الدم ولا يجوز أن يحاربوا إلا إذا بدأوا بقتال المسلمين أو خيف منهم على المسلمين. Ils ont posé la question au cheikh, est-ce qu'on a le droit de combattre le groupe de takfir? Le cheikh, il dit, on n'a pas le droit de les combattre, excepté s'ils nous ont combattu en premier, s'ils ont commencé. Lorsqu'on voit qu'ils commencent à faire du tort à l'islam et aux musulmans, alors là, dans ce cas-là, on peut les combattre. Il dit, comme Ali ibn Abi Talib, radiyallahu anhu, a fait. Hein? Sinon, à la base, c'est que le sang du musulman, il est sacré. Et il n'est pas permis de les combattre, excepté s'ils nous ont combattu en premier. Ou si on craint un tort pour les musulmans. Donc ça, c'est, ça fait partie des règles par rapport au khawarij. Et également, bon, le cheikh ici, il n'a pas mentionné, mais cheikh Al-Fawzan, il le mentionne, cheikh Al-Fawzan et d'autres ulama, ils mentionnent que également pour les combattre, il faut que ce soit avec la permission et avec le commandement du dirigeant des musulmans, le chef de l'État. Hein, c'est pas un individu ou des groupes qui ont le droit de décider qu'ils vont combattre les khawarij, parce que sinon, bien entendu, qu'est-ce qui arrive comme conséquence à ça? C'est que ça crée du chaos. Chacun déclare qu'il combat les khawarij et ça crée des problèmes de la fitna par la suite. Donc, le cheikh, il dit, on a posé la question au cheikh ensuite. On a posé la question au cheikh. جماعه التكفير يستدلون على ان الحجه قامت على الناس بقوله تعالى واذ اخذ ربك من بني ادم من ظهورهم ذريتهم الايه يضعفون اثر ابن عباس رضي الله عنه في تفسير قوله تعالى ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون قال ابن عباس كفر دون كفر. Le cheikh, on lui a posé la question, on lui a dit, le groupe de takfir, il se base comme preuve sur le fait que la preuve a été établie contre les hommes, il se base sur le verset 172 dans Surat Al-A'raf, hein, dans lequel Allah dit, lorsque ton Seigneur a pris, a tiré la descendance de Adam, il a tiré du dos de Adam toute sa descendance, hein, et il les a fait témoigner qu'il est leur Seigneur, et ils ont tous témoigné qu'il est leur Seigneur. Ils se basent là-dessus pour dire que la preuve, ça y est, la preuve a été établie. Et ça, c'était bien entendu avant la création. C'est-à-dire avant qu'on soit en vie. Il a fait sortir nos âmes de son dos, c'est-à-dire tous les créatures, les fils d'Adam. Mais on n'était pas encore venu au monde à ce moment-là. Et il déclare faible la narration qui est attribuée à Abdullah ibn Abbas dans le tafsir du verset 44 dans Surat Al-Ma'idah, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit: celui qui ne juge pas d'après ce que Allah a fait descendre ou ce que Allah a révélé, alors ceux-là sont les kafiroun, ceux-là sont les mécréants. Et Abdullah ibn Abbas radiallahu anhu a dit à ce sujet que c'est kufrun duna kufr, c'est-à-dire que c'est un degré de kufr qui est en dessous du degré de kufr ordinaire, ou qui est en dessous du degré de kufr qui est le kufr absolu, le kufr connu dans l'islam. Maintenant, le cheikh, il répond à ce sujet-là. Et on va terminer avec ça pour aujourd'hui. Le cheikh, il répond, il dit: أما الاستدلال بهذه الآية فقد أخذ الله سبحانه وتعالى الميثاق على بني إسرائيل ولكن ليس فيه أنه لا يبقى لهم عذر بدليل قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وبدليل قوله تعالى وما كان الله ليضل قوما حتى وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. وفي الصحيح من حديث حذيفة أن رجلا قال لأبنائه قد حضرته الوفاء، أي أب كنت لكم؟ قالوا نعم الأب. فقال: هل أنتم فاعلون ما أمركم به؟ قالوا نعم. قال: فإذا مت فأحرقوني ثم ذروني، فوالله لئن قدر الله علي لا يعذبني عذابا شديدا لا يعذبه أحدا من العالمين. قال: ففعلوا، فأمر الله البر أن يجمع ما فيه والبحر أن يجمع ما فيه، ثم قال له الله: ما حملك على ما فعلت؟ قال: مخافتك. قال: فإني قد غفرت لك. فهذا دليل على أن الشخص يعذر بجهله وقد شك في قدرة الله، ولا نقول إن قدر بمعنى ضيق، فلا نقول لئلا ضيق الله علي، لأنه أتى بالسياق الذي يناسبه وهو القدرة. Donc le cheikh il dit: premièrement, la preuve qu'ils utilisent, le verset 172 dans Surat Al-A'raf, dans lequel on mentionne que Allah subhanahu wa ta'ala a pris le pacte, hein, des fils d'Adam, ça ne veut pas dire qu'il ne reste plus aucune excuse pour les fils d'Adam. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le verset 15 dans Surat Al-Isra, et on ne va pas punir un peuple jusqu'à ce qu'on leur ait envoyé un messager. Donc tant qu'un peuple n'a pas reçu de messager, ils sont excusés. وَبِدَلِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى. Et la preuve du verset 115 dans Surat At-Tawba, Allah subhanahu wa ta'ala ne va pas égarer un peuple après les avoir guidés jusqu'à ce qu'il leur ait clarifié ce qu'ils doivent craindre. Et comme c'est mentionné également dans un hadith sahih rapporté selon Hudhayfa ibn al-Yaman radiyallahu anhu, qu'un homme a dit à ses enfants lorsque la mort est arrivée, hein, avant la mort, il a dit à ses enfants, quel père ai-je été pour vous? Et ils ont répondu, un bon père. Alors, il a dit, est-ce que vous allez faire ce que je vous ordonne? Ils ont répondu, oui. Alors, il leur a dit, alors dans ce cas-là, lorsque je meurs, faites-moi brûler mon corps. Et puis, prenez mes cendres. Et après, il dit, par Allah, si Allah me châtie, si Allah a le pouvoir sur moi, c'est sûr qu'il va me châtier d'un dur châtiment duquel il n'a, avec lequel il n'a châtié aucune autre personne dans l'univers. Donc, ils ont fait ce que leur père a ordonné, c'est-à-dire, ils sont allés, ils l'ont brûlé et ils ont répandu ses cendres sur la terre et dans la mer. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné à la terre de réunir ses cendres et à la mer de réunir ses cendres. Puis, Allah subhanahu wa ta'ala a dit, qu'est-ce qui vous a poussé à faire ce que vous avez fait? Qu'est-ce qui, Allah subhanahu wa ta'ala a demandé à cet homme, qu'est-ce qui t'a poussé à faire ce que tu as fait, c'est-à-dire à te faire brûler et à te faire éparpiller comme ça? Et il a répondu, il a dit, j'avais peur de toi. Hein? Et Allah subhanahu wa ta'ala lui a dit, je t'ai certes pardonné. Donc c'est le cheikh, il commente à propos de ce hadith là et il dit que c'est la preuve que une personne peut être excusée par son ignorance, parce que cette personne a douté du pouvoir d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il mentionne que le terme qadara dans ce hadith, c'est dans le sens de la pouvoir, dans le sens du pouvoir d'Allah subhanahu wa ta'ala, et non pas dans le sens que si Allah subhanahu wa ta'ala lui restreint ses capacités ou des choses de ce genre, mais plutôt qu'il parle plutôt du pouvoir d'Allah subhanahu wa ta'ala, que si Allah arrive à le prendre ou l'attraper. Donc c'est la preuve qu'il a douté de la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, et malgré tout Allah l'a excusé pour son ignorance. Il n'a pas été considéré kafir, parce que de douter de la puissance d'Allah, c'est un kufr, ça y a pas de doute. Hein? Donc il a été excusé par son ignorance. وكذلك حديث حذيفة الذي فيه يوشك أن يأتي على الناس زمان لا يدري ما صيام ولا صلاة فقالوا ماذا يبقى لهم يا حذيفة قال شهادة أن لا إله إلا الله فقالوا ماذا يبقى لهم يا حذيفة قال شهادة لا إله إلا الله قال وما تغني عنهم لا إله إلا الله قال تنجيهم من النار. Donc le cheikh, il mentionne un autre hadith, il dit que de même que le hadith de Hudhayfa, il dit, dans lequel il dit que il se peut qu'il arrive une époque où les gens ne connaîtront pas le jeûne ni la prière. Alors ils ont dit, oh Hudhayfa, qu'est-ce qui va leur rester? Il a dit le témoignage de la ilaha illallah. Alors le prophète Hudhayfa a répondu, les gens qui étaient avec Hudhayfa, ils ont posé la question, et à quoi va leur servir la ilaha illallah, yani, puisqu'ils ne font pas la prière ni le jeûne? Et Hudhayfa a répondu, il leur a dit, ça va les sauver de l'enfer. Donc ça c'est les preuves que Cheikh Mouqbil a mentionné. Il dit, fal adillatu mutakathira على العذر بالجهل من الكتاب والسنة وكذلك اختبار أصحاب رسول الله وكذلك اختبار أصحاب الفترة كما جاء من حديث أبي هريرة والأسود بن سريع في مسند أحمد أن ثلاثة نفر يدلون بحجتهم على الله فيقول أحدهم أي رب كنت أصوم ولا أسمع وآخر يقول كنت أبله ولا أعقل والثالث حجته وذكر الثالث حجته. فيخرج لهم الله عنقا من النار فيقول ادخلوه فإن دخلوه كان عليهم بردا وسلاما وإن لم يدخلوه يقول أنتم الآن عصيتموني وأنتم لرسل أشد عصيانا. Le cheikh, il dit, il y a beaucoup d'autres preuves, hein, de très nombreuses preuves qui sont mentionnées par les ulama sur le fait que la personne qui est ignorante, elle est excusée dans le Coran et dans la Sunna. Et comme l'exemple du test qui va atteindre, que les gens auront au jour de la résurrection, ceux qui n'ont pas eu de messager, ils auront un test au jour de la résurrection. Hein, Allah subhanahu wa ta'ala va les éprouver. Comme c'est mentionné par un hadith selon Abu Huraira et Al-Aswad ibn Sari' dans la Musnad de l'imam Ahmad, que trois personnes vont mentionner leurs preuves devant Allah subhanahu wa ta'ala. Il y en a un d'entre eux qui était aveugle. Et donc il disait, je pouvais pas entendre. Ça c'était ça, son argument ou son excuse qu'il a mentionné à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le premier, il était aveugle, le premier, il était sourd, donc il n'entendait pas. Le deuxième, kuntu asum la asma. Le deuxième, il était idiot, il était sot, donc il n'avait pas sa raison. Ça c'était son excuse. Le troisième, il a mentionné son excuse aussi. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala leur a fait apparaître un morceau de feu ou du feu devant eux, et il leur a ordonné d'entrer dedans. Et ceux qui sont entrés dedans, ce feu était frais et sain pour eux. C'est-à-dire, ça les a pas brûlés. Tandis que ceux qui ont refusé de rentrer dans le feu, Allah subhanahu wa ta'ala leur dit, maintenant vous m'avez désobéi et vous seriez encore plus désobéissant de mes messagers encore. Alors ils vont les faire, ceux-là ils vont avoir échoué le test. Ensuite le cheikh dit, wa jama'atu at-takfir ummatun dalla fa nansahu ikhwanana fil bayda wa fi ab wa fi ghayriha an yahdharu minhum وأن يعتبروهم ضلالا بعيدين عن الدين ويعتبرونهم خطرا على الإسلام والمسلمين فهم آلة لكل طاعن في الدين كما أننا ننصحهم أن يتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى وأن يسألوا أهل الذكر وإن بقوا على ضلالتهم وَلَقُوا رَبَّهُمْ عَلَى هَذِهِ الضَّلَالَ فَسَيَنْدَمُونَ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانَ. Le cheikh, il termine ça en disant que le groupe de takfir, c'est un groupe égaré, et on conseille à tous nos frères dans la région de Al-Bayda ou bien à d'autres régions du Yémen de prendre garde de ces gens-là et d'avertir contre eux et de les considérer comme étant des égarés loin de la religion et de les considérer comme étant un danger pour l'islam et les musulmans, et de les considérer comme un instrument pour tous ceux qui attaquent la religion. Parce que les gens, par la suite, justifient leur haine de l'islam à cause des actes de ces gens-là. Tous ceux qui ont une haine ou une opposition à l'islam, par la suite, ils vont mentionner les gestes et les actes de ces égarés-là comme justification dans leur haine et dans leur opposition de l'islam, même si c'est pas justifié. Parce que l'islam est innocent de ce que ces gens-là font. Mais malgré tout, ils vont essayer d'utiliser ça comme un prétexte et comme une justification de leur haine contre l'islam et les musulmans. Et ils vont accuser toute personne, et comme ils le font maintenant, ils accusent tous les musulmans qui pratiquent l'islam, qui portent la barbe, ou les femmes qui portent le sitar et le niqab, et qui veulent suivre la sunna, ils les accusent d'être des extrémistes et d'être des égarés à cause de ces égarés-là. Hein? Donc, ils font plus de tort à l'islam et aux musulmans que même les ennemis de l'islam déclarés. Hein? Donc ça c'est des exemples. Ensuite le cheikh il dit, et on leur donne la nasiha de se repentir à Allah subhanahu wa ta'ala et de demander aux hommes de science. Hein? Et s'ils restent sur leur égarement, ils vont rencontrer leur Seigneur sur cet égarement-là. Et s'ils restent sur cet égarement-là et qu'ils rencontrent leur Seigneur sur cet égarement, ils vont avoir des remords au jour de la résurrection. Wallahu al-musta'an. Donc ça c'est la fin de cette risale. Et pour répondre justement par la suite, parce que la dernière question qui avait été posée au Cheikh Mukbil, c'était au sujet de la question de la preuve qu'on a établie. Est-ce que la preuve a été établie contre les hommes? Et est-ce qu'ils ont une excuse? Et il y avait la question de la parole de Abdullah ibn Abbas au sujet de lorsqu'il dit qu'il y a le kufr dans un kufr, c'est-à-dire le kufr qui n'est pas au degré du kufr ordinaire qui fait sortir de l'islam, que c'est un kufr moins grand que le kufr majeur. Hein? Donc, il n'a pas répondu directement à cette chose-là. Toutefois, dans la conférence qu'on a lue, il y a dedans la réponse à cette question-là. C'est que la question du kufr dun kufr, elle est expliquée dans le Coran dans plusieurs versets. Et on a mentionné les exemples de ça quand on a parlé du meurtre et quand on a parlé du fait que deux groupes de croyants se combattent les uns les autres. Allah subhanahu wa ta'ala ne les a pas déclarés kuffar. Malgré que dans d'autres hadiths, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il mentionne que deux musulmans qui se tuent, ils seront tous les deux en enfer, celui qui a tué et celui qui s'est fait tuer. Et également l'autre hadith qui mentionne que de combattre un musulman, c'est kufr. Qitalul muslimi sibabul muslimi fusuq wa qitaluhu kufr. D'insulter un musulman, c'est un péché, et de le combattre, c'est kufr. Et malgré tout, on ne considère pas les musulmans qui ont fait un meurtre ou bien qui ont tué comme étant des koufars par le simple fait qu'ils ont fait ce péché-là à cause des autres preuves. Donc c'est un koufre, mais qui n'est pas un koufre qui fait sortir de l'islam. Donc il y a d'autres preuves pour expliquer ou pour prouver qu'il y a des formes de koufre qui sont mineures et d'autres qui sont majeures. Et il y a cet athar d'Abdullah ibn Abbas qui explique que c'est kufr duna kufr, et cet athar d'Abdullah ibn Abbas, elle est authentique. Elle n'est pas faible comme ces gens-là essaient de le prétendre. Parce qu'ils essaient de la déclarer ta'ifa pour essayer de justifier leur takfir de tous les dirigeants, sans exception. Parce qu'ils pensent que cet athar, ils ont vu que cet athar était une réponse contre leur choubouhat, alors ils essaient de la discréditer ou de la déclarer faible, alors qu'elle est authentique, et que les ulama l'ont mentionné, et un grand nombre de ulama l'ont mentionné, et en commençant par le sahabi, Turjuman al-Qur'an, Hibr al-Ummah, Abdullah ibn Abbas radiallahu anhu, et plein d'autres imams, parmi les imams de tafsir, et les imams de l'islam, ils ont tous supporté et défendu cette parole et ce principe-là. Et Cheikh Al-Albani, Mohamed Nasruddin Al-Albani, rahimahullah, il l'a mentionné également dans Silsilat al-Hadith al-Sahiha, cet athar, et il est authentique. Et c'est pour faire comprendre que c'est pas toute personne qui juge par autre que la loi d'Allah qui est nécessairement un kafir. Ça dépend de qu'est-ce qu'il a dans sa croyance par rapport à cette action-là qu'il a fait. Et si vous retournez par exemple à Silsilat al-Hadith al-Sahiha, le hadith numéro 2552, vous allez trouver les clarifications à ce sujet-là. Et il y a différentes narrations de cette parole d'Abdullah ibn Abbas. Parmi elles, il y a celle qui dit: إنه ليس الكفر الذي يذهبون إليه إنه ليس كفرا ينقل عن الملة كفر دون كفر. Dit, ce n'est pas le kufr qu'ils prennent eux, vers lequel ils se dirigent, plutôt c'est un kufr qui ne fait pas sortir de la religion, un kufr moins grave que le vrai kufr. Et il mentionne aussi dans une autre narration de cette explication, dans l'explication de ce verset, il dit, Abdullah ibn Abbas, من جحد ما أنزل الله فقد كفر. Celui qui nie ce qui a été révélé par Allah, il a mécru. ومن أقر به ولم يحكم فهو ظالم فاسق. Et celui qui a confirmé, qui a accepté le verdict d'Allah, mais qui ne l'a pas, qui n'a pas jugé selon celui-ci, alors il est injuste et pécheur. Mais il n'est pas kafir. Hein? Donc, Abdullah ibn Abbas, il a fait la distinction entre les deux. Entre celui qui rejette le verdict d'Allah et celui qui ne l'applique pas. C'est pas parce qu'il l'applique pas qu'il est nécessairement kafir. Hein? C'est kufrun duna kufr. C'est un kufr qui est moins grand que le kufr qui fait sortir de l'islam. Donc ça, c'est la clarification à ce sujet-là. Puis, bien entendu, il y a les explications des ulama d'Ahl-Sunnah qui expliquent qu'il y a différentes catégories dans le fait de juger par autre que la loi d'Allah. Il y a ceux qui croient que la loi d'autre que, comme ils croient qu'une loi est meilleure que la loi d'Allah, dans ce cas-là, ce sont des kuffars. Ou bien qu'ils ne croient pas que c'est meilleur, mais que c'est équivalent, que c'est pas égal à la loi d'Allah, dans ce cas-là, ce sont des kuffars aussi. Ou bien qu'ils ne croient pas que c'est égal, mais qu'ils croient que c'est permis, que c'est halal, que c'est pas interdit de juger par autre que la loi d'Allah. Et dans ce cas-là, eux aussi, ils sont des kuffars, parce qu'ils rendent halal ce qui est haram. Et il y a une autre catégorie, par contre, qui n'est pas en dehors de l'islam, c'est-à-dire ceux qui jugent par autre que la loi d'Allah, tout en reconnaissant que c'est un péché, et que c'est haram, et qu'ils n'ont pas le droit de le faire, et qu'ils sont des pécheurs en le faisant, et que de juger par la loi d'Allah est obligatoire, sauf qu'ils le font par faiblesse, hein, à cause d'une foi faible, ou par amour pour la dunya, ou par amour pour l'argent, ou parce qu'ils ont un intérêt ou quelque chose comme ça. Donc ces gens-là sont pas koufars, yani, tu peux pas dire qu'ils sont koufars, sauf que c'est un kufr duna kufr, c'est un grave péché qu'ils font, mais ça les fait pas sortir de l'islam. Et ça, yani, tous les ulama d'Ahl Sunnah, ils ont tous expliqué et montré cette ils ont tous défendu cette position-là, ils ont tous clarifié cette position-là de cette manière. Donc on va s'arrêter ici, Inch'Allah, et puis on continuera avec un autre sujet la semaine prochaine, Inch'Allah. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayh. Je m'excuse pour hier aussi parce que j'étais pas disponible hier pour faire le dars. Donc je m'excuse de ne pas avoir été au rendez-vous. Mais Inch'Allah, on va se reprendre aussi pour lundi passé. J'étais pas pour le cours de Al-Usul al-Thalatha, j'étais pas disponible. Mais on va se reprendre Inch'Allah demain. Barakallahu fikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.